Sarito Marie, c'est moi qui serai ton mari. Moi, c'est moi qui serai ton mari. Moi, et non, c'est moi, et non, c'est moi, et non, c'est moi.